Je vais tourner à gauche à cette intersection qui est dans un virage plutôt prononcé. Je ne peux pas me permettre de viser l'intersection et prendre ainsi une trajectoire rectiligne. Je dois prendre en compte que des usagers peuvent survenir en sens inverse dans la courbe du virage. Seule la trajectoire numéro 2 permet de tourner en toute sécurité parce que j'avance d'abord dans le virage et ensuite seulement je prends la décision de traverser la route.